طيب، القاعدة الخامسة، انفست قاعدة، لا إن شاء الله. أسماء الله توقيفية لا مجال للعقل فيها، وعلى هذا فيجب الوقوف فيها على ما جاء به الكتاب والسنة، فلا يزاد فيها ولا ينقص. لأن العقل لا يمكنه إدراك ما يستحقه تعالى من الأسماء، فوجب الوقوف في ذلك على النص، لقوله تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وقوله: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. ولأن تسميته تعالى بما لم يسم به نفسه أو إنكار ما سمي به نفسه سمى به نفسه جناية في حقه، فوجب سلوك الأدب في ذلك والاقتصار على ما جاء به النص. طيب، هي سيت ريغل الله المستعان دانستيتيوشن ديفين. طيب، انستيتيوشن ديفين توقيفيه. Regardez, توقيفيه on dit توقيفيه d'une chose qui vient d'Allah ou de son prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est tawqifi. Ça veut dire que tout cela va revenir au quoi ? Au texte, seulement au texte, et ça ne revient pas au quoi ? Ça ne revient pas au aql. Et vous allez faire le lien entre cette règle-là et les règles qu'on a vues, la première, Asma Allah kulluha husna. D'accord ? Hein ? Vous allez voir le lien qu'il y a entre cette règle-là et cette règle-là. D'accord ? On ne peut nommer Allah subhanahu wa ta'ala que parce qu'il s'est nommé lui-même. Vous avez compris ça, Inch'Allah ? Ou le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Vous avez compris ? On n'a pas le droit de dire que ça c'est le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala alors que ça ne l'est pas. Et regarde, je vais le comparer. Toi tu t'appelles Yanis mathalan. Je dis non, moi je ne t'appelle pas Yanis, je t'appelle Mohamed. Je dis non, appelle-moi Yanis. Je dis non, tu t'appelles Mohamed. Et voilà, les gens disent Mohamed. À la fin ça va te mettre en colère peut-être même. Ça, voilà. Je te donne un nom qu'on t'a pas donné. Bon, si c'est un nom, mashallah, de maître, etc., tu vas peut-être l'accepter. Taïb. Mais si c'est un nom que toi, tu n'acceptes pas, ou peut-être par le fait qu'il y a cette possibilité que tu ne l'acceptes pas, j'ai pas le droit, moi, de te donner ce nom. Tu es d'accord avec moi? Donc, nous, on n'accepte pas des noms ou des sobriquets ou autre chose. D'accord? On n'accepte pas ça. À plus forte raison qui? Allah subhanahu, min bab awla, Allah subhanahu wa ta'ala. Vous avez compris? Donc, les noms, ils sont tawqifi. Ça veut dire quoi? Beaucoup, tu les entends, ils disent Ya Sattar, مثلاً. Ya Sattar, qui vient du citre. Hein? Ya Sattar ou Abd al-Sattar. Tu entends ça? En vérité, ce n'est pas au nom d'Allah, Sattar. C'est Sittir. Vous avez compris ça, Inch'Allah? On dit quoi? On dit Sittir. D'accord? Et d'autres, hein? Baqi. Il y a certains ulama qui disent le Baqi, ce n'est pas un nom d'Allah. Ya al-Baqi. Et lorsqu'il le nomme en vérité, Allah subhanahu wa ta'ala, il le nomme à partir du moment où il donne le ya nida, le ya o un tel. C'est comme s'il le nommait. À ce moment-là, il doit donner un nom qu'Allah s'est donné, ou le prophète alayhi sallam s'est donné. Tu dis pas ya sani'. Vous avez compris? C'est un nom d'Allah, sani'? Non. C'est un nom d'Allah ou pas? Sani'? Non. Donc tu n'as pas le droit de dire « Ya sani' asna' li kada ». Non, ce n'est pas un nom d'Allah. Vous avez compris ça, Inch'Allah. Mais tu as le droit de dire que Allah c'est le sani', dans le sens, à titre informatif. Vous avez compris ça, on l'a vu la règle. Vous avez compris maintenant le lien? Mais le nommer par ce nom-là, c'est interdit. Vous avez compris? Le nommer par ce nom-là et de l'appeler par ce nom-là. Par exemple, A'udhu Billah, il y en avait un, il disait « Ya anta, ya anta, ya anta », un sha'ir. D'accord? « Ya anta, ya anta ». طيب c'est un nom d'Allah anta? Non, pourquoi il appelle? Et déjà même dans la langue arabe ça se dit pas ya anta. Vous avez compris ça? Ya fulan, on dit pas ya anta. Vous avez compris ça, inchallah? Donc faut regarder aussi même dans la langue arabe si telle chose et acceptable. Mais tu l'appelles Allah, tu n'appelles Allah subhanahu wa ta'ala que parce que lui s'est appelé ou son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Lis la règle. Donc la illa, elle est là. La raison pour laquelle c'est interdit, c'est le aql ne peut pas savoir ce qu'Allah yastahiq, ce qu'Allah mérite comme nous ou pas. Donc ça, c'est la première illa. Vous avez compris? Ça, on ne peut pas. Toi, tu sais maintenant comment nommer Allah subhanahu wa ta'ala, ce qu'il mérite ou ce qu'il ne mérite pas comme nous. Non. Donc c'est obligé que ce soit lui, Allah subhanahu wa ta'ala, qui se nomme et pas toi qui lui donne des noms. Hein. Alors si maintenant quelqu'un, Naam, la parole d'Allah l'exalté, vas-y, lis-la. Ne poursuis pas ce dont tu n'as pas connaissance, certes oui, certes lui, il a vu le cœur, tout cela a pas responsable. Taïb, ce dont tu n'as pas connaissance. Ma laysa laka bihi ilm. Taïb, quelqu'un qui vient qui dit Sattar, et qui appelle Allah Sattar, là il a fait quoi? Il a suivi une chose dont il n'a pas connaissance. Pourquoi il appelle Allah subhanahu wa ta'ala Sattar? Ou un autre nom, moi je vous donne l'exemple de Sattar, d'accord? Ou un autre nom. Il vient, il lui attribue ce nom-là. Ça, il est rentré dans quoi? Il est rentré dans quelque chose où il n'a pas connaissance. Donc toi, le délil que tu lui donneras, c'est ce verset-là. وَلَا تَقْفُوا مَا لَيْسَ لَكَ بِعِلْمِ هَلْ هُنَاكَ إِسْمٌ فِي الْقُرْآنِ أَوْ فِي السُّنَّةِ يَدُلُّ عَلَيْهِ يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ يُسَمَّى Sattar أَمْ لَا. Est-ce qu'il y a ou il n'y a pas? Tu dis non, il n'y a pas, خلاص. Vous avez compris? Donc lui, il te ramène, premièrement, la illa avec le aql, il te dit, tu ne peux pas, toi, nommer, par rapport à ton aql, ça c'est la première illa. La deuxième illa, c'est parce que Allah subhanahu wa ta'ala nous a ordonné de parler avec science, et là, si toi, tu nommes sans science, ça c'est interdit. Et quoi d'autre? Hein? Et là, il va donner le... Alors regardez, dans ce verset-là, Cheikh Ibn Al-Qayyim, il dit, il a commencé par le plus petit péché, par les plus petits péchés, jusqu'au plus grand. Innama harrama rabbi al-fawahisha ma zahara minha wa ma batan. Les turpitudes. Wal-ithm, le péché. Wal-baghi bighayri haqq. Voilà, regardez, il monte. Et ensuite, wa an tushriku billahi ma lam yunazzil bihi sultana. Le premier, c'est al-fawahish. Là, c'est quoi? C'est le plus petit dhulm, celui qui se fait du mal à lui-même. Ensuite, là, il commence à faire quoi? Du dhulm aux autres. D'accord? Et ensuite, c'est quoi? C'est le dhulm akbar, qui est le shirk. Vous avez compris? Donc, il y a les trois formes de dhulm. Et ensuite, il dit, là, Ibn al-Qayyim, rahimahullah ta'ala, il explique dans I'lam al-Muwaqqi'in, il dit le fait de parler sur Allah sans science, ça a été le sabab du shirk. Vous avez compris? Tout le monde dit ce qu'il veut. Khalas, à la fin, on crée un dîme. Sah? Et lorsqu'on crée un dîme, eh ben on a parlé à Allah. On a parlé sur Allah sans science. Vous avez compris, inshallah? C'est comme si on disait, non, mais on a le droit de faire ça, puisque ce n'est pas interdit. Puisque c'est comme si, khalas, on a akhlaq un din, on a fait quelque chose de nouveau. Vous avez compris, inshallah? Donc, donner un nom à Allah subhanahu wa ta'ala, ça revient à cette chose-là. Vous avez compris, inshallah? Ça revient à al-qawl ala Allah. C'est pour ça que le nom al-qadim, l'ancien, ou l'éternel, l'ancien, comme ils disent, na'am, ce n'est pas un nom d'Allah. Pourtant, c'est utilisé énormément dans des livres de Aqidah, etc., Al-Qadim, Al-Qadim. Mais est-ce que Al-Qadim, c'est un nom d'Allah? Non. D'accord? Al-Qadim, bi'tibar, qu'Allah, subhanahu wa ta'ala, ancien, c'est-à-dire, il est avant tout le monde, etc., tu peux le comprendre et l'affirmer. Me faut. Mais de là à dire que c'est un nom d'Allah, là, non. Pourquoi? Parce qu'on a dit qu'il nous faut absolument un texte. Vous avez compris? Il faut absolument un texte. Et cela fait partie du adab. Sinon, c'est de la jinaya, comme il dit ici, Shir. Il dit, sinon, c'est de la folie, c'est un crime. Qui est inacceptable, ce crime-là. Ce crime-là. Mafoum ? Continue. Masha'Allah. Ouais. Masha'Allah. Donc c'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Subhanaka la uhsi thana'an alayk anta kama athnayta ala nafsik. Je ne peux pas te complimenter suffisamment, te complimenter ya Allah, hein, de faire suffisamment de louange. Tu es tu es comme toi-même tu t'es complimenté. Tu es comme toi-même tu t'es loué. Vous avez compris ? Donc, on voit dans ce hadith-là que Allah subhanahu wa ta'ala, ou plutôt le prophète alayhi salatu wasalam, n'a pas essayé de donner des noms supplémentaires ou quoi que ce soit. Vous avez compris ça ? Anta kama athnayta ala nafsik. Je ne peux pas faire plus. Toi, tu es comme tu t'es loué toi-même. Ou tu t'es élogé toi-même. Est-ce qu'il a rentré des noms ou est-ce qu'il a haché, alayhi salatu wasalam. Vous avez compris ça, Inch'Allah ? Donc, même ce hadith-là prouve, hein, l'interdiction de le faire.